gotta know. E.T. Téléphone maison. Hey yo, bande de pingouins, c'est encore Muggy. J'suis venu mettre d'accord les gothiques et les hippies. Ça y est, j'rentre dans l'histoire, le bail devient mythique. Je sors, il repousse, instinct primitif. Muggy what I know, yeah, exactly, bitches. Téléphone maison, c'est le retour de E.T. Jeune, beau et chéri, comment ne pas faire de bêtises. Quoi de neuf depuis que Jay-Z faisait les premières parties des footies. C'est Dieu qui donne le pouvoir, va brûler tes gris-gris. Si j'parle à Benzema, c'est pour avoir le maillot de cri-cri. Ta tête tourne quand les filles défilent. Dis un truc bien sur nous ou meurs comme Neji. Oh, agib, quel est son talon d'Achille? Je mange avec les ennemis, le flingue est dans le tagine. Tu cours prendre ta photo, tu dis que c'est pour ton selfie. Merlige, de toute façon le trône me revient d'office. Les gens trouvent ça choquant, moi je trouve ça marrant. C'est normal, en vent sur la durée comme les macarons. Je vis dans la pénombre, à 20 milieux sous les mers. Je suis le Kraken, je converse avec les sirènes. 1 million d'euros pour celui qui me fera rire. J'entends ma voix s'évader de vos Ferrari. 1 million d'euros pour celui qui me fera rire. J'entends ma voix s'évader de vos Ferrari. J'attends ça depuis des années, je vais pouvoir les désarmer. J'attends ça depuis des années.